Hey, bienvenue à la bière. Ben là, on joue là, c'est sérieux. Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Finish him! Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale. Listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Et oui, ici la puissance nano du 29 mai. Ici votre animateur, monsieur Andrew Castegan, accompagné d'un invité VIP, un comparse, un collègue, un maître de jeu, bref, tout ce qu'on aime. Monsieur Jocelyn, comment ça va, Jocelyn? Ça va encore toujours bien. Merci d'être venu co-animer avec moi ce puissance nano. Merci de l'invitation. Écoute, moi c'est super simple, tu m'écris sur Facebook, tu me dis quand tu fais un anneau, telle date, je peux-tu venir? T'as je pas pense que c'est pas mal comme question. Ça qu'on s'est arrangé pour aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, c'est ça exactement. Émission Puissance Nano un peu spéciale, on a quand même quelques affaires à parler. Une affaire que t'es pas au courant, mais c'est juste parce que je dois en parler, puis ça fait plusieurs moments que j'oublie, puis je... Une surprise! Non, ben en fait, c'est une émission spéciale Geek Culture, en fait, événement là, qui s'en vient au mois de juin. On va parler avec Monsieur Eric, président de... l'événement, qui va nous donner tous les détails. Un événement où le Puissance Maximale, d'ailleurs, les productions Puissance Maximale sont partenaires. On va faire la diffusion de toutes les conférences qui vont avoir lieu lors de l'événement. Donc, ça va être quand même un très, très gros événement. Et Jocelyn, normalement, il est là pour faire de l'animation avec Courant Fractal, émission qu'on a parlé à maintes reprises au courant de l'émission Puissance Maximale, Puissance Nano. Donc, très heureux que tu sois de la partie. On va pouvoir se lancer des avions en papier à travers la salle. Ça va être merveilleux. Plein de professionnalisme à l'état pur. Mais voyons, en papier, je suis sûr qu'on peut trouver mieux que ça. OK, en tôle. On va plier de la tôle direct, là, puis... Ben, je pense qu'il y a assez de monde de GN qu'on va peut-être être capable de se trouver des morceaux de métal pour le faire, ouais. Ouais, ouais, c'est, mon avis, c'est probable. Moi, écoute, je veux te sacrer une rince au sort blazer, là. C'est évident, là. Correct, mais moi, je vais aller te rentrer dedans, tu sais, dans les grosses bulles de soccer, là. Ouais, les soccer en bulles, je pense ouais, qu'il appelle ça. Fait que, je sais pas si Rick va être capable de nous arranger... la possibilité de juste embarquer dedans pour se rentrer dedans. Je m'en fous de jouer de la game, moi. Je veux juste avoir la bulle puis rentrer dans quelqu'un. C'est juste ça que je veux faire. Ben, c'est un peu comme le trip des gros habits sumo. Ouais, mais ça, je l'ai déjà fait, ça. J'ai jamais essayé encore. Moi, je l'ai fait une fois. Tu veux pas tomber sur le dos. Ben là, tu te sens comme une tortue, tu sais pas où aller. Exact. Tu fais comme, mais pourquoi? Mais c'est quand même très, très cool. Là. Mais sinon, également, on va parler Courant Fractal, des nouveautés qui s'en viennent. Sinon, t'arrêtes pas à demander comme ça, plein de joie, de dire « J'ai de quoi parler, je veux venir! » Ben non, mais j'ai de quoi parler. On s'en va peut-être au Geek Culture aussi, là, le 10 puis le 11 juin. Bon, ben ça, on l'a déjà spoilé, ça. Au début. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Mais ça, il y avait autre chose que c'est tu C'est pour être sûr que les gens disent ça. Non, mais ça, mais il y a autre chose que tu veux parler. Mais ça, on le dira pas, on garde la surprise. Et il y a aussi un événement où j'ai été, qui est le Festival Rétro de Montréal. Un petit événement sympathique. J'en ai parlé lors de l'émission Les Deux Snooze à la radio communautaire de Lévis. Mais j'ai pas vraiment élaboré sur la question. J'ai été très, très sollicité sur bien des choses. Fait que je veux prendre quand même un petit moment en fin d'émission là, pour faire la rétroaction sur cet événement-là, qui était, ma foi, très sympathique, qui est un peu méconnu du public, mais qui mériterait à se faire connaître. Donc, on va en glisser un mot. Mais là, avant toute chose, on va aller en petite pause musicale pour nous permettre d'appeler Monsieur Rick, pour qu'on puisse... Eric, là, mais j'aime ça de dire Monsieur Rick. Ça a de la gueule. Mais bon, on va appeler Eric sur son téléphone et on va faire ça dans la magie radiophonique, là, les règles de l'art qui est, on met de la musique, vous entendez pas si ça fail en arrière-plan. Puis on va vous revenir pour vous parler du geek culture l'anneau d'hier. Ouais, mais là tu viens de briser la magie de la radio, tu l'as dit. Mais pas les erreurs dans ma face, Jocelyn. Mais là, on n'a pas fait d'erreur encore. Non, ben on a. Là, tu dis on brise la magie, je le sais, là. Mais t'sais, la radio commerciale, là, il fail puis il s'en cache même pas. Nous autres, au moins, on l'avoue, là. Fait que. Donc, tout ça pour dire qu'on va aller passer le petit coup de fil, parler avec Jocelyn. Et on vous rappelle. Que Puissance Nano fait partie de la grande famille les productions Puissance Maximale. Les productions Puissance Maximale, c'est non seulement une web radio vous offrant une programmation de qualité, c'est maintenant rendu du YouTube. Juste pour vous dire, j'ai acheté la carte Elgato de mon coloc, donc je vais pouvoir lancer enfin mon YouTube pour Andrew. Ça va être génial. Donc je vais pouvoir faire non seulement des critiques audio comme on faisait à l'époque, mais je vais pouvoir en plus le faire en format vidéo avec la capture du jeu. Ça va être génial. Donc non seulement vous allez savoir mon opinion, vous allez savoir à quel point je suis mauvais à certains jeux. Ça va être vraiment sympathique. Et, mais ça, avec le montage, ça s'arrange. Tu peux jouer quelqu'un d'autre. Non, mais ça, mais Jocelyn, l'affaire, c'est que j'ai eu beaucoup de demandes dans le passé que quand je faisais mes critiques, de pouvoir en fait le faire sur Twitch pour que le monde puisse venir voir et dialoguer avec moi. Mais l'affaire, c'est que quand je teste des jeux sur console, je peux pas. Parce que j'avais pas de carte de capture. Wow. Mais là, maintenant, j'ai une carte de capture. Fait que j'ai comme plus vraiment d'excuses. Fait que je vais être obligé de le faire. Je suis sûr que tout le monde est triste, là. Mais bon, ça va être fait. Mais tout ça pour dire qu'il y a Twitch, YouTube, podcast, blog écrit. Tout ça s'en vient. Très prochainement, en fait, le nouveau site va être en ligne. Roulement de tambour. La semaine prochaine, donc le site va être en ligne le 5 juin, mesdames et messieurs. Donc le site que ça fait 2 ans que vous attendez va finalement être en ligne le 5 juin. Donc je vous tiens juste à vous avertir, ça se peut peut-être qu'il va y avoir des petits bugs. S'il y en a, on vous invite à gentiment nous les aviser. Mais c'est un des plus gros sites d'envergure que Puissance Maximale a eu. Et on est très fiers de vous le présenter le 5 juin. Et on vous invite également à aimer la page Facebook des productions Puissance Maximale. Il faut chercher P Maximale ou Puissance Maximale ou Production Puissance Maximale. Et faire un j'aime sur la page Facebook parce que c'est la meilleure façon d'être au courant des horaires de tout le monde. Et justement de quand le site va être en ligne pour pouvoir être au courant et aller aimer le site et le mettre dans vos favoris. Et le partager à vos amis pour dire à quel point on est merveilleux et qu'on a un merveilleux site. Et également, les 10e anniversaires de Puissance Maximale qui s'en viennent en septembre. Gros projet qui s'en viennent, beaucoup de gens impliqués, dont Jocelyn, qu'on a parlé sur un coin de table. Donc, ben, je suis pas mal sûr qu'il dira pas non. On en a discuté sur 2 coins de table. Bon. On en a parlé sur 2 coins de table et aussi dans un fauteuil dans une commune de GNE. Oui, c'est vrai, en effet. Écoute, on en a parlé à plusieurs reprises. À quelques reprises, l'invitation est très alléchante. J'oserais pas refuser une telle invitation. Donc, à surveiller, ça va être bien sûr publicisé sur la page de Puissance Maximale sur Facebook et le site web, bien évidemment, qui va être lancé le 5 juin, je le rappelle. Et comme moi, j'ai eu des petites idées, des petits previews de ce qui était pour avoir au 10e anniversaire. Ça va être à ne pas manquer. Non, non, il va y avoir du cocktail, de la bière, des prix, des concours, ça va être le fun au bout. Il va en avoir du party ce soir-là. Exactement, puis pas dans une, mais 2 villes en simultané, ainsi que les interwebs. Fait que ça va être merveilleux. Le Québec va être en fête pour Puissance Maximale. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on s'en va en pause musicale avec la chanson You Give Love a Bad Name, mais version vintage blues par Postmodern Jukebox. Donc c'est de la très bonne musique pour vos oreilles, je vous avertis tout de suite. Donc c'est tout ça dans vos oreilles sur les ondes du www.puissancemaximale.com. smile is what you sell. Promise me heaven, then put me through hell. Chains of love got a hold on me. When passion's a prison, you can't break free. Oh, you're the loaded gun, yeah. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name. You act so shy. Your first kiss, oh, it was your first goodbye. Oh, you're a loaded gun, yeah. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad. Et oui, c'était de l'excellente musique pour vos oreilles. Donc, Andrew Cassigan de retour pour l'émission Puissance Nano sur les ondes de Puissance Maximale en compagnie de Jocelyn. Et là, maintenant, on a un invité au téléphone. Écoute, Jocelyn était tellement excité là, qu'il chantait la chanson à tue-tête à cause qu'il avait hâte de parler à notre invité. On a Monsieur Éric Beauséjour au téléphone. Comment ça va, Éric? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Ça va très, très bien. Donc, tel qu'il a été parlé un peu en début d'émission, mais je le rappelle au cas où que vous veniez d'arriver, Éric Beauséjour est le président, en fait, du Festival Geek Culture Lanaudière, un nouveau festival qui s'en vient du 9 au 11 juin au Centre des loisirs de Repentigny, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Un tout petit détail, je suis directeur de la programmation. Ah! Écoute, même le chien il est fâché, je me suis trompé, ça va pas bien. Mais fais pas ça. Bon, directeur de la programmation. Ouais, c'est ça, directeur de la programmation pour la première édition du Festival Geek Culture La Matière. Bon, ben c'est correct, un petit lapsus, c'est pas plus grave. Tout à fait correct. On s'excuse au président qui s'est pendant un instant fait rebaptiser. Mais sinon, Eric, on voulait faire une entrevue parce que Puissance Maximale s'est impliqué quand même un peu dans la planification de l'événement. C'est sûr que nous autres, notre aide va être plus sur le terrain, bien évidemment. Mais c'est un festival qui va avoir lieu là, cette année pour sa première édition. Quand même un festival ambitieux, un festival qui vise la geekerie dans tous ses angles. À quoi on peut s'attendre, en fait, Eric, là, comme première édition du Geek Culture? En partant des invités, nous avons Anne Robillard, Denis Talbot, Carl Tremblay, et Jérémy Larouche, ainsi que plusieurs autres. On va avoir des véhicules thématiques à l'extérieur. Il y a quatre activités immersives sur le terrain de soccer. On a loin un terrain de soccer intérieur complet. Donc, il va y avoir du Quidditch, du soccer en bulle, de l'arc et flèche ou des cours de sable laser. On a une salle dédiée au Lego, une salle dédiée aux activités ludiques, jeux de société et une aux jeux vidéo. On a un hall pour les auteurs, une grande salle marchande, quatre groupes cosplayers invités. Petite question comme ça, Eric, parce que tu as parlé de quatre activités immersives qui se passaient sur le terrain de soccer. En fait, une particularité au niveau de ces activités-là, c'est que tu as le billet pour rentrer au Geek Culture, mais je crois que tu as certaines activités qu'il faut s'inscrire également. Il y a des frais supplémentaires, si je me trompe pas? En fait, c'est uniquement ces quatre activités-là qu'on parlait sur le terrain de soccer. Et les seuls autres frais qui pourraient être mentionnés, c'est si les gens décident de participer au tirage pour les paniers cadeaux, parce que nous, on s'est associé avec l'Association régionale des familles d'accueil de la Nadière et avec tous nos commerçants présents et même quelques-uns qui sont même pas présents. On a confectionné trois paniers cadeaux qui vont être en tirage pendant le festival. OK. Et... puis, Avalanca, exemple, que je me pointe au festival, Eric, puis je me dis, OK, j'ai le goût de suivre un cours de sable laser. Comment ça fonctionne à peu près pour s'inscrire à ces quatre activités-là? Ben présentement, c'est sûr que pour favoriser s'assurer des choses, on peut passer par acheter ses billets en pré-vente via notre site web. Sinon, ben tout simplement à l'admission, faire mention que vous voulez faire partie d'une des activités. Je conseille aux gens d'arriver tôt dans ce cas-là parce que c'est des places limitées dans chacune des activités. Donc, on a un horaire qu'on doit respecter avec nos collaborateurs. Donc, je favoriserais beaucoup le conseil d'arriver tôt. OK. Puis, les coûts à peu près reliés à ces activités-là? Dans le cas que je veux m'inscrire au cours de sable laser, on peut parler d'un montant de combien déboursé? 15 $. Puis, est-ce que c'est à peu près le même montant pour les autres? C'est exactement le même montant pour les autres. Dans le cas du Quidditch, ça l'offre un T-shirt en plus. C'est vous faites l'activité, puis vous avez un T-shirt de la Fédération du Quidditch du Québec, si je me trompe pas. Ah, quand même. Donc, dans le fond, puis les activités, plus qu'il y a un orage, justement, on parle pas d'un 15 $, ça dure 5 minutes, puis c'est fini. Là. C'est quand même une bonne plage. C'est des activités d'une demi-heure. C'est exactement les prix qu'on a réussi à trouver chez nos collaborateurs. On prend en charge le frais de la location du terrain. Puis on leur permet d'offrir leur service. Ah, parfait. Fait que tu sais, dans le fond, c'était juste pour expliquer, parce que des fois, dans les festivals, quand il y a des activités dans ce genre-là, il y a des gens qui ont comme une incompréhension, en fait, au niveau de cette activité-là. Fait que je voulais être certain qu'on le communique tous les détails, en fait, là, pour les gens qui seraient intéressés. Donc, qui se présentent pas juste à l'événement, puis dire, ah, ben, j'ai mon billet pour le Geek Culture, et puis finalement, avoir la surprise. La surprise, c'est très caché. Qui nous empêchera pas de les regarder. Exemple, que quelqu'un ne serait pas intéressé à payer. Mais il pourrait toujours participer. On a plusieurs spectacles qui vont se passer sur le terrain du soccer. Je veux dire, le billet d'entrée normal donne accès au spectacle, mais ne donne pas accès de participatif au cours. Fait que si tu veux suivre le cours, prendre le sable laser dans tes mains et le manier, il faut t'aies payé le billet. Ouais, non, c'est ça, c'est parfaitement normal. C'était juste pour s'assurer, en fait, là, que ça soit bien compris des gens qui étaient intéressés d'aller au Geek Culture. Si on arrive avec notre propre sable laser, est-ce qu'on peut participer quand même? Wow, ça c'est une excellente question. J'ai des places limitées, je dirais en quantité d'espace, mais je crois que la question vaut la peine d'être demandée à l'admission. Ben merci de la réponse, Eric. Et sinon, tu as parlé de plusieurs choses. Tu parlais également qu'il y avait le tirage du panier. Tu as parlé d'une salle marchande. On parle à peu près de combien de marchands qui seront présents lors de l'événement pour vendre leur matériel? Nous avons 20 marchands et 10 artisans et un hall des auteurs d'une dizaine de noms. Je dirais 9 ou 10 noms. Puis je présume que c'est des marchands de à toutes les sauces, en fait, au niveau là, du matériel geek. Là, on va trouver un peu de la variété. Là. Bon, exactement. Ça passe de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! On va à Harry Potter, on va dans des figurines de Star Wars, beaucoup d'auteurs. J'écoute des CD de musique. C'est une salle marchande assez diversifiée. On peut acheter des choses pour la maison. Oui, c'est ça. Il y a des objets, il y a les magasins de BD aussi. Il y a les productions Winrose qui vont être là aussi avec Courant Fractal. Fallait que je me bloque. Shameless plug. Ah, ben écoute, c'est parfaitement bien. Effectivement, on va pouvoir essayer des jeux en temps continu. Ce qui veut dire que la journée de samedi, c'est 7 heures d'activité. Ben, pendant 7 heures, vous pouvez aller rencontrer les productions Winrose et essayer le Courant Fractal. On a les... tous les autres invités qui vont être là aussi. Ben, c'est ça. On a une programmation. La programmation a été mise sur le site. Pour plusieurs informations, en fait, vous pouvez les trouver sur Facebook. On est très actifs sur ce réseau social-là particulièrement. Mais notre site web est mis à jour. Les autres réseaux sociaux aussi. Parfait. Donc, Eric, je te dirais que au niveau de l'horaire, juste pour donner une idée, dans le fond, on disait que c'était du 9 au 11 juin. Si je me trompe pas, vous avez un défilé costumé le vendredi, qui est de 19h à 20h, si je me fie à l'affiche. En quoi consiste le défilé du vendredi pour les gens qui seraient intéressés? Ben, en fait, c'est notre seule activité du vendredi. On va marcher, j'encourage tout le monde à venir costumé. C'est une marche de 1,7 km dans les rues avoisinantes du centre. Donc, tout le monde se rejoint au centre. On arrive un petit peu avant 19h. Le départ se fait à 19h. C'est une marche de 1,7 km qui était... le trajet a été approuvé par la police et par la ville de Repentigny. Donc, on a fait fermer des rues. Puis, on va possiblement être escorté du Jeep 12 de Parc Jurassic et de d'autres véhicules thématiques pour faire notre parade geek. Ah, quand même. Ben, là, ça fait peur. Si le Jeep de Jurassic Park il suit, y a-t-il des dinosaures dans le coin? Très bonne question, Matt. T'sais, pour les gens qui sont de Montréal, tu sais que quand les gens de Montréal ils pensent à l'extérieur de l'île, there's dinosaur. Ouais, mais non. Le pire, c'est que j'avais fait exprès de ne pas nommer le Ghostbuster, le Lecto One. Mais bon, écoute. Les dinosaures. Puis sinon, au niveau de la fin de semaine, au niveau de l'horaire, vous avez la mascarade qui a lieu le samedi de 18h à 20h. Les horaires d'ouverture, ça ressemble à 10h à 20h pour le samedi, puis de 10 à 17h le dimanche, si je me trompe pas. C'est exactement ça. Je vois que tu es très au courant des détails. Écoute, j'ai surtout pas l'affiche en avant de moi. Ah, ça l'aide un peu. Donc. Mais non, c'est ça. Plusieurs autres invités vont être intéressants pour participer. On a Popcorn qui organise un petit quiz. On a la Puissance Maximale qui va présenter l'événement pendant 2 jours. Si je ne m'abuse pas, je crois que tu vous présenter les 2 jours. Oui, on est là pour les 2 jours. Ma table de son elle commence à se préparer. Là. J'ai réussi à trouver, à faire flasher les petites lumières. Là, fait que ça look encore plus. Ça va être encore plus beau. Yeah! On a une salle d'arcade. On va avoir de la réalité virtuelle. On a plusieurs présentations de jeux. Écoutez, je vous encourage à venir. Ça va être une très belle fin de semaine. Ben écoute, Eric, tu m'as convaincu personnellement. En plus, Eric, je vais te faire un petit scoop. Là. Le 5 juin, on lance notre nouveau site internet. Ouais. Donc, comme je t'avais mentionné sur Internet, il sera prêt pour le Geek Culture. Donc, ça va être hyper sympathique. Il va avoir notre nouveau lecteur de web radio. Il va avoir notre nouveau serveur de diffusion qui va être capable d'accueillir jusqu'à 100 personnes simultanément et plus. Donc, ça va être très, très, très, très cool. Et là, j'ai mon Facebook qui ping de partout. C'est super. J'ai oublié de désactiver le son de mon Facebook. Mais tout ça pour dire que ça va être très, très cool. Donc, Eric, je vais te laisser redonner les informations sur où on peut te rejoindre, où est le festival et le prix du billet d'entrée, s'il te plaît. Parfait. Le festival va être au 740 rue Pontbriand à Repentigny. Les coûts d'admission sont pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est gratuit. Pour les 5 ans à 12 ans, c'est 8 $. Et les 13 ans et plus, c'est 15 $. Les activités immersives sont un 15 $ supplémentaire. C'est pour le 9 juin, c'est de 19h à 20h. Le départ se fait à 19h pour le défilé costumé. Et les restes des activités commencent le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 17h. Si vous voulez me rejoindre, c'est par le Facebook ou par le site web, c'est d'excellente façon. Fait que bref, pour un bon 45 $, là, tu t'amuses pour la fin de semaine au complet, tu fais des activités. Puis si tu veux une activité un petit peu plus immersive, tu te prévois un 15 $ de plus, là, puis même peut-être deux, là. Oh, fait qu'on a des billets pour la fin de semaine. Pour les gens qui seraient intéressés pour venir la fin de semaine, ça serait c'est dans le billet à 25 $. Donc, ça reviendrait 5 $ de moins. C'est pas 45, mais 40 $, en fait. Ben écoutez, je vous encourage à venir. Il y a bien du fun. C'est une première édition dans la Naudière. Donc, on a bien hâte de recevoir beaucoup de monde. Ben, on te le souhaite et en fait, c'est même Puissance Maximale envoie l'invitation à tous ses auditeurs de venir nous voir. En fait, on a plusieurs producteurs là, qui descendent d'ailleurs pour l'occasion, dont Christian Hamel des Informateurs, qui s'adonne à être dans la même équipe qu'un certain invité du nom de Luduc. Exactement. On sait pas c'est qui. Non, ben c'est quoi, j'ai 50% de mes producteurs. En fait, j'ai 50% de l'équipe. C'est ça, j'ai 50% de l'équipe Luduc. C'est des producteurs qui font des podcasts sur mes ondes. Fait que c'est très drôle. J'essaie de convaincre M. Luduc d'en faire un sur mes ondes, mais il est dur à avoir, la petite sacripant. Donc, on va l'inviter toute la fin de semaine, il n'y aura pas le choix. Fait qu'Éric, fais ton travail, là. Essaye de convaincre M. Luduc à joindre le côté obscur. Ben oui, on a des écoute, je vais passer les messages. J'en profite pour te passer le message. Si tu peux m'envoyer ton nouveau logo. Mon logo n'a pas changé. Puissance. Ah, bon, ben c'est parfait. Écoute, il n'y a pas. Je croyais que tu avais changé de logo, c'est tout. Non, c'est le site internet qui a changé. Bon, ben c'est parfait. Ben écoute, je vous souhaite une bonne soirée. Ben, merci beaucoup, M. Éric, et on se recroise au Geek Culture Lanaudière qui va avoir lieu à Repentigny. Le 9, 10 et 11 juin. Donc, c'est un rendez-vous. Merci. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, nous autres, M. Jocelyn, on va aller en petite pause musicale avant de revenir à toi. Juste à toi. Juste à moi? Oh! Ouais. T'es-tu excité? Oui. Hé, hey, t'as de l'air convaincant. Mais bref... Tu vas t'exciter autant que la dernière chanson parce que j'ai décidé d'y aller dans un petit style classique pour la musique cette semaine. On va y aller avec la chanson Mad World, mais version vintage vaudeville. Donc, on va aller écouter ça dans vos oreilles. Et on revient avec M. Jocelyn qui va nous parler de qu'est-ce qui s'en vient pour Courant Fracteur et Production Windrose. Oui. Donc, tout ça pour vos oreilles sur les ondes du www.puissancemaximale.com. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very I'm Draken, also Alexander. I'm Dual Ryan, also Ryan Roth. We made Starseed Pilgrim. And you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour sur les ondes de Puissance Maximale avec Jocelyn. Comment ça va, Jocelyn? Toujours bien? Et ça va extrêmement bien. Écoute, je sais pas du tout la transition que je vais faire, c'est quoi le rapport, mais je vais dire la chose suivante, t'es question d'emmener un peu d'été dans notre cœur. On va parler de qu'est-ce qui s'en vient pour Courant Fractal avec les éditions Windrose. Fait que pour en parler, on s'est ouvert une délicieuse canette d'une boisson alcoolisée de haute qualité qui s'appelle Mike's Hard Lemonade, qui est une boisson de malt alcoolisée. Et vous savez, c'est les fameux drinks qui est écrit boisson de malt alcoolisée, que vous savez que vous embarquez dans quelque chose de haute qualité, à 5% d'alcool, 355 ml. Je te dirais que c'est pas trop mal. C'est une petite boisson de thé. Hein. Je prendrais ça sur le bord d'une piscine ou en parlant de jeux de drôle. Ouais, ouais, ben sur le bord d'une piscine, sur une terrasse, à l'entour d'une table avec des amis. Ouais, ben c'est ça. Je vous dirais là, qu'en frais de boisson de malt, j'ai déjà bu pas mal pire. Pour pas en nommer un, fort loco. Disons que c'est quand même buvable. T'es dans le principe que ça me tombe pas sur le cœur. Personnellement, j'aime bien le petit goût de limonade qui vient après. Mais c'est sûr que si t'es un fan de limonade extrêmement sucrée, pas trop acide, ben c'est pas la bonne limonade pour toi. Ouais, mais je sais pas non plus après 6-7 si elle tombera pas sur le cœur. Non, c'est ça. Mais tu sais, une fois de temps en temps, deux commençables pour cette journée. Non, ouais, c'est ça. Ça va bien. Ça se prend bien. Oh, oui, très bien. C'est, comme je dis, c'est loin d'être le pire que j'ai bu dans ma vie. Bon, je pense qu'on a tous déjà bu pire que ça, là. Ben, comme je disais, four loco. Punch aux fruits, pour être plus précis. Arc, c'est dégueulasse. À quoi t'as pensé? Ben écoute, c'est une expérience sociale, boire un four loco à cette heure, ça a de l'air. Fait que... Mais écoute, pour être bien franc, là, le four loco aux pêches, j'ai un boc en argile dans mon congélateur, et je mets ben de la glace dedans. Puis quand je verse le four loco dedans, ben froid, le four loco aux pêches est quand même passable. Si tu veux te scraper à vie à 11,9% d'alcool, là, c'est la meilleure solution pour pas cher. Je vais y penser. Je vais appeler ça mon plan B ou mon plan C. Non, ben tu sais, si t'as pas d'argent pour t'acheter de la bonne alcool, là, c'est tant qu'à boire de la marde, tu vas te scraper vite. T'sais. Ouais, ok, vu de même. Mais bon, Moi, personnellement, je préfère boire quelque chose qui a un petit peu plus de goût et de qualité. Mais je vais garder l'idée en tête. Un jour, il faudrait que je l'essaie. Ouais. On fera ça ensemble. OK. Dans un bac bien glacé avec beaucoup de glace. Ouais. On fera ça ensemble à un moment donné, je sais pas, autour d'une game de jeux de société ou de courant fractal ou de whatever. Une place où on peut en prendre sans qu'il y ait un tenancier de commerce qui vienne nous voir en disant « Monsieur, vous avez pas le droit de boire ça ici. » Puis qu'on soit pas obligé de faire des « Attends, peux-tu checker qu'est-ce que j'ai dans ma poche? » Oh, on peut te faire des « fuck you » aux commerçants, ça fait pas une bonne publicité. Mais bref. C'est parce qu'il risque de plus te vouloir que tu retournes ou de plus t'inviter. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'on va, on va éviter la chose. Ok, c'est bon. Mais bon, ce gros lapsus de sujet, pour dire, on a des choses à discuter ensemble, Jocelyn, sur courant fractal. Il y a des choses qui s'en viennent. Il y a peut-être des séances publiques qui s'en viennent. Ben, je sais même pas, on en a même pas parlé avant de commencer. Ben, il y en a eu une grosse, là, une semaine. Ouais, une pour semaine ta fête. Mais mea ouais, culpa, Jocelyn. Hey. J'ai pas pu y aller. Écoute, le vendredi, j'étais beaucoup trop saoul pour y... parce que j'ai l'échappé un petit peu trop solide avec mon ami. Et le lendemain, j'étais, ma foi, très scrap. Et l'appel de la grillade coréenne à volonté était beaucoup trop fort en moi. Donc, j'ai rempli mon ventre après avoir pas mangé grand-chose de ma journée parce que j'étais trop magané. C'est une excuse. J'en ai entendu des pires, fait que c'est correct. Ouais, non, c'est ça, ah, t'es... C'est bon, c'est comme... T'es... j'ai trop bu, puis j'avais vraiment trop faim, fait puis j'étais avec des amis. Ah... Oh, mais en fait, pour être franc, mettons, j'aurais été à ta game, dans l'état où j'étais. Probablement, j'aurais été franchement désagréable. Déjà que je suis très roleplay... Je suis sûr qu'on aurait pu te donner une nation spécifique pour ça. Déjà que t'as vu un peu mon style de roleplay... Puis que je peux être, ma foi, très saoulant, des fois. Mais... Mais t'es... Aucunement. Non, t'es... Moi, je vais toujours me rappeler le... Je le descends. non, mais là, il a rien fait. Je le descends. Non, arrête. OK. Ben, je vais faire tel mouvement. Je le descends. Pourquoi poser des questions lorsqu'on peut tout simplement agir? Ça aurait été beau, par exemple, que je le mette KO du premier coup. Il m'en manquait pas beaucoup. Ça aurait été... Non, il en manquait pas tant que ça, mais ça... Ça aurait pu causer un peu plus de problèmes. Déjà que votre groupe n'était pas... dans les meilleures grâces. Non, c'est ça. On va dire ça comme ça. Mais bon, tout ça pour dire... courant fractal. Courant fractal, oui. Ben oui, cet été, il y a plusieurs choses qui arrivent cet été. C'est ça, on commence. En fait, on a commencé, je dirais, l'été avec la semaine passée, la méga séance qu'on a faite. On a commencé en après-midi aux Artisans d'Azur. Puis on a terminé au Ménard Comics le soir. Je dirais une dizaine, une quinzaine de joueurs qui se sont présentés. Il y en a même plusieurs qui ont dit que ça faisait partie dans le, des meilleures séances publiques qu'ils avaient jouées. Donc, on a eu vraiment eu beaucoup de plaisir là, cette partie-là. Puis, ben ça a été un peu comme le coup d'envoi pour cet été qui continue justement dans deux semaines au Geek Culture de la Naudière. Où est-ce que l'équipe des productions Winrose, moi-même et d'autres vont être là. Il va y avoir un maître de jeu aussi pour ceux qui viennent acheter le livre et font comme ben, « J'aimerais ça essayer. » Ça tombe bien, va-t'en à la table à côté. On a un maître de jeu. Ah! Donc, puis, est-ce que tu risques d'animer des tables? Ça risque d'être moi ou d'un de mes collègues qui va animer la table. Mais t'es, c'est cause qui écoute. Ça fait une couple de fois qu'on entend ta voix mielleuse à l'émission. Là, t'es. Fait que là, mettons qu'un auditeur qui dit « ben moi, je veux y aller. » Mais t'es, tant qu'à jouer une séance publique, je veux que ça soit Jocelyn. Tu vas sûrement... Ça peut toujours s'arranger. Fait que allez à la table des productions Winrose, une gang, là, puis dites, on veut Jocelyn. Il n'y aura pas le choix. Je suis sûr ça va tellement faire de la peine là, de pas faire d'interview pour animer une gang. Non, mais alors, je vais vous attendre. Je vais avoir une limite, par exemple, parce que je pense que en fait, la table a une limite de grandeur. Je vous dirais... Après 10 joueurs, je pense qu'on va prendre une pause. Mais si vous arrivez avec un groupe de 10, on va vous trouver de la place puis on va vous faire une petite partie. Ça, c'est clair. Fait que, au Geek Culture... Geek Culture. Cherchez Jocelyn. On prendra une photo de lui tantôt là, avec des thumbs up là, dans Sun Black. Au Geek Culture, allez voir ce gars-là. Oui, il est derrière la table des productions Winrose. Il y a des lunettes. Oui, une petite barbe aussi, puis pas trop de cheveux. Et là, ça, je voulais pas le dire. Je voulais pas te blesser. Bon, juste des lunettes, comme ça. Écoute, moi, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs que ça de toute ma vie, depuis des années. Puis le monde commence à dire que je ressemble à Ed Sheeran. Ça me fait peur. Non, je le vois pas. Je suis désolé. Peut-être parce que j'ai un gros casque d'écoute de gamer sur la tête. Ah, ça doit être ça. Qui aplatit mes cheveux. Donc, ils sont moins frisés. Ça doit être pour ça, oui, en effet. Et aussi parce que j'ai pris une douche avant que t'arrives. D'accord. Ça ici, c'était... L'information, c'était pas le fait que j'ai pris une douche pour Jocelyn, c'est surtout le fait que j'avais les cheveux mouillés, donc moins frisés. Arrêtez, gang de pervers qui nous écoute actuellement. Sauvez-moi quelqu'un. Bon, il y a Pinch. Non, on sait bien, il est parti. Là. C'est comme... Lui, il a fait fuck off. Il a fait tout bouche bas. Fait que bref. Donc, oui, le Geek Culture. Ensuite, bon, on continue. On fait les conventions de l'été, évidemment. Le Comic-Con de Montréal. On va être encore une fois là cette année. Depuis qu'ils ont annoncé la voix de Trevor. De? La voix de Trevor. De Trevor dans Grand Theft Auto 5. Oui. Je suis dans un conflit interne de savoir si j'y vais ou pas. Il n'y en a pas de conflit, tu viens. Hein? Moi, ça coûte que j'ai mon opinion sur les Comic-Con. Sans rentrer dans tout le gros pourquoi du comment, là. C'est le genre d'événement qui me fait un peu chier de payer un billet pour qu'est-ce que ça en est. Parce que c'est une grosse salle marchande, oui, il y a des gros invités, mais ça reste que tu payes pour payer. Sauf si tu vas voir Jocelyn des productions Winrose. Ça vaut tout le prix du monde du billet. Ouais, non, mais attends, il n'y a pas juste moi, il y a toute l'équipe qui va être là aussi au Comic-Con. Il va y avoir Sébastien Lenglet. Oui, mais c'est cause que je donne un point de repère aux gens. Ouais, c'est toi qu'on entend à la radio, Jocelyn. Mais oui, mais vraiment. Après ça, même... tu présenteras les gens autour de toi quand le monde t'aura trouvé. Tu lises les pancartes en haut des stands. Ah, ok, c'est ça le truc! Non, mais... C'est un gars de Québec, hein? Ouais, écoute, moi, je vais dans un Costco, puis j'ai l'impression d'être dans le centre-ville, ici, là. Mais bon, ça pour dire... Tout dépendamment des Costco, ouais, peut-être. En tout cas, celui-là, pas loin de chez nous, ouais, il y a quelqu'un. Mais bon, tout ça pour dire... Pour reparler du Comic-Con, oui. C'est juste parce qu'ils ont une manière un peu particulière de gérer les médias. Puis dans notre cas, nous autres, c'est ça nous fait chier. Fait que j'ai un peu de misère moralement de demander une passe média. Mais ça se peut que j'aille aider une de mes amies qui a une table d'artiste. Fait que j'aurai un billet artiste parce que je m'occuperai d'une table artiste. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison pour pourquoi on se croiserait pas là-bas. Non, effectivement, à part que quand je surveille la table. Là. Wow. Ça serait ironique, par exemple, qu'on soit comme dans la même allée. On serait comme tellement les deux commères de l'allée en train de faire « Pis! Fais-tu beau dans ton coin, Jocelyn? » C'est encore le rôle, il y a des commères, tu peux en avoir un peu partout. Oh, oui. Bon, mais tu sais, nous autres, c'est que ça serait pas une commère très sérieuse, là. On rôlerait de la marde probablement tout le week-end, là. Non, mais c'est parce que probablement la première journée, on se rendrait compte comme « Hey, c'est toi qui es là! » Samedi, tu amènes ta console de son, puis on fait un podcast live, puis ben, dimanche, on se fait booter. Non, tu comprends pas. C'est le dimanche qu'on amène la console. Le samedi, on commence avec les cannes et la ficelle. Oui. Clairement. L'espèce de ficelle qui traîne à terre. T'es où? Je sais pas, mais ben, je vois comme il y a 250 000 personnes. C'est ça, il y a beaucoup de fritures sur la ligne. Tiens, sur le fil. Non! La ligne est coupée! Ouais, bah... Écoute, on va bien voir. Moi, je suis persuadé qu'on va avoir beaucoup de plaisir au Comic-Con de Montréal, encore une fois cette année. Il devrait avoir aussi une salle de jeu. Donc, tout dépendamment des joueurs qui vont être là, des personnes qui vont être là, on va peut-être avoir même un maître de et jeu. Et des personnes responsables là. De cette classe de jeu. Noyer ta santé. Non, la salle de jeu devrait être ouverte encore une fois cette année. C'est certain, nous, on va être là toute la fin de semaine et avec deux belles surprises, deux beaux lancements qu'on devrait se faire cette fin de semaine. Ça va encore nous coûter de l'argent, toi. Ouais. Ouais. Ouais, pis, non. Tu penses que je viens ici pour quoi, là? Ben, boire de la Mike's Hard Lemonade. Comment je peux dire? C'est un bonus. C'est un bonus. OK, réaliser un rêve d'enfant de faire de la radio. Ouais. C'est vrai. Non, mais avoue. Mais c'était plus un rêve d'adolescent qu'un rêve d'enfant. OK, d'abord, de jeune adulte. OK, c'est correct, je peux y aller avec ça. C'est parfait. Mais tu m'as complètement coupé, je sais plus ce que je sais. Comic-Con, on va... Deux lancements, oui! L'été qui continue, puis après le Comic-Con, il va y avoir le Tacuton, auquel on va encore participer cette année. On va être dans la salle de jeu pour que faire des séances de jeu. Peut-être être encore une fois une table d'artistes aussi. Tu viendras nous voir pareil. Non, je serai pas tout seul. C'est ça. Ben, nous, on va être dans la salle de jeu. En fait, c'est pour rendre service à la personne qui présentement s'occupe de Lord Mimin. Ah, voilà. Oh, hail Lord Mimin. Yep. OK, ben dans ce cas-là, écoute, pour Lord Mimin, j'avoue que t'as pas le choix. Mm. Excusable. C'est ça, t'es donc quand vous irez voir Jocelyn au Comic-Con et à Tacuton, parce que principalement c'est les éditions Winrose que vous allez aller voir, parce que Puissance Maximale n'est officiellement pas là, ou officieusement, en tout cas bref, vous prenez ça de la façon que vous voulez, mais vous passerez aussi à la table de l'artiste Véronique Thibault Ping Vivi, une grande amie de Puissance Maximale depuis très longtemps, et également la personne qui s'occupe de Lord Mimin actuellement, All Hail Lord Mimin. Et je vais être là en tant que personne physique, donc vous pourrez venir me parler. Donc je vais vous parler bien évidemment. En tant que personne physique? Physiquement présente, ouais. OK, mais tu pensais amener comme un robot ou une poupée gonflable de toi? Ben, c'est parce que nous, on n'a pas d'armes à la base, fait que je peux pas être autre chose que physiquement là. Ouais, mais c'est pour ça que je trouvais... C'est pour ça que je trouvais ça bizarre que tu spécifies que tu vas être là en personne physique. Ben, j'aurais pu être là en pensée, mais... Oui, mais c'est un petit peu plus difficile de te trouver dans ce temps-là. Ben, ça dépend. Si j'aurais été en avance, coller des post-it partout avec des pensées. Le jeudi soir, tu fais ça. Lorsque les marchands viennent s'installer, c'est le moment parfait pour le faire. Plus question que les artistes pis les marchands fassent what the fuck, c'est quoi ça? Tu sais qu'il y avait des post-it partout sur ma table! Mais l'important, c'est que t'es signes pas. Comme ça, ils savent pas. Ouais. Mais ça va être long. C'est gros, là. Si tu vas en mettre sur toutes les tables. À moins que j'allais faire affaire avec un imprimeur qui m'imprime une batch d'autocollants avec un message dessus. Puis de coller ça partout. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire un post-it géant? Tu sais, 8 pieds par 8 pieds. Sûrement. Wow! Faut que je vois ça. Dans un jour, au moins une fois dans ma vie, un post-it géant. Je pense qu'on s'est éloigné un petit peu du sujet. Oui. D'accord. Dans ça, t'as même pas encore dit c'était quoi les deux lancements. Oui, ben en fait, le tout premier lancement, on en avait discuté un peu la dernière fois que j'étais venu, ou l'avant-dernière fois. Bonne question. On avait discuté... Je sais pas si c'est dans l'émission que sortie ou l'émission perdue. Je pense que c'est celle qui est sortie. Ça se peut. L'émission perdue, je pense qu'on en avait glissé un mot, mais on n'avait pas parlé plus que ça. Ceux qui nous ont suivis un peu au début de l'hiver, il y avait eu un pré-lancement, une version alpha du bestiaire de Courant Fractal, où on offrait bon, certains guerriers types et quelques animaux, certaines caractéristiques pour les animaux. Eh bien, le bestiaire est terminé, il est prêt, il sera bientôt en impression et le lancement se fait officiellement au Comic-Con de Montréal. La foule est en délire, mesdames et messieurs. Merci. Oui, donc le bestiaire de Courant Fractal, on a des collaborateurs qui ont travaillé avec nous pour vraiment ramener tous les différents types de guerriers, différents personnages. On a voulu aller chercher la saveur de Courant Fractal, puis vraiment offrir aux joueurs, surtout aux maîtres de jeu, un outil de plus pour créer les parties, les séances. Donc, dans le bestiaire, on explique un peu le comment créer une fiche de personnages non joueurs ou même d'animaux. On a créé environ peut-être une vingtaine d'animaux qui touchent un peu à tout. On a défini les fameuses créatures mythiques typiques à Courant Fractal. Donc, on a défini les griffons, l'ostragar, le scorpion géant et bien évidemment les sphinx. Puis, on a fait des gabarits de guerriers pour chacune des nations et les deux grandes organisations, les deux grandes écoles de pensée, les Chaos Disciples et l'Esgura de Malshiva. Donc, on a des Chaos Disciples full patch, des Malachites. On a trois niveaux de guerriers, en fait, pour chaque nation. On a le soldat de base, qui est vraiment de base. C'est quelqu'un qui commence. Le guerrier vétéran, le soldat vétéran. Puis aussi, on a défini le guerrier, le soldat, ou en fait, ben, l'élite, en fait, de la nation. C'est beaucoup là qu'on va voir les subtilités, les différences d'une nation à l'autre. On a travaillé beaucoup, puis on a relu beaucoup les nations. Les collaborateurs avec qui on a travaillé sont allés chercher des points assez spécifique à chaque nation pour créer une élite qui était très représentatif de la nation. On s'entend exemple comme les astéroïdes, l'élite, c'est les cavaliers de Scorpion Géant. À Ethos, c'est les Templiers. À Anon, c'est ceux qui vont devenir immortels. À Valon, c'est les chevaliers de jour dernier, et ainsi de suite. À Tiamacon, c'est les Tiamatar qui se promènent à du haut, justement, d'Ostragar. Donc, on a défini quand même une belle fresque de personnages non-joueurs. Et quelque chose qu'on nous avait déjà demandé, on a défini les aspects de la lycanthropie et du vampirisme. Ah, ben oui. Donc, si quelqu'un veut faire un personnage qui décide de manger le cœur d'un lycanthrope et de vivre les effets qui viennent avec ça, bien, on a maintenant défini comment que ça se passe, c'est quoi les avantages, les désavantages, tout ça. Donc, un beau livre de, je dirais, 120-530 pages à peu près, de beaucoup d'informations, qui va sortir au Comic-Con de Montréal. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais ça, c'est un lancement. Oui. Je t'ai parlé de deux. Ah, ah, ah! Tu écoutes bien, mon cher! Écoute, le focus est à son plus haut niveau, Jocelyn. Écoute, même le chien, il focus, man. Ah oui, écoute, il regarde, c'est comme, de quoi qu'il parle? Ah, oh, ça a l'air intéressant. Il crie. Ah, oh, c'est clair. Mais je sais pas s'il est vraiment courant. Ah oh oui, Pinch. Pinch. Viens ici, Pinch. Viens me voir. C'est pas toi qui vas voir, c'est moi. Bon. Bon. Oui. Ça ici, c'est un aspect stratégique parce que je sentais qu'elle était à veille de japper. Fait que comme ça, il jappera pas. Donc finalement. Ah, ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Deuxième lancement. Ouais. Ceux qui étaient présents au Comic-Con l'année passée se souviennent du lancement de la campagne de David Riendo, Le mystère des Bledèves. Écoute, j'étais même pas là et je m'en souviens. D'ailleurs, je pense que toi, t'as eu droit à avoir ta propre copie du mystère des Bledèves. Ben oui, bien oui. Et oui. Qui venait dans une merveilleuse boîte blanche que tu m'avais laissée. Oui, en effet. Que j'ai gardée précieusement. Excellent. Tu vas pouvoir la réutiliser ou en rajouter. Ouais, ben en plus, je te dirais, ma bière, dans le verre officiel, courant fractal, ça goûte pas la même chose, ça a un petit goût d'aventure. Oh oui, en effet. Ouais, le joli verre courant fractal. Ouais, j'avoue qu'il est quand même très bien fait. Mm. D'ailleurs, l'artiste qui a confectionné les verres va être présente au Geek Culture, création STG. Donc, s'il y en a que ça les intéresse, pourront aller la voir. Donc, oui. La campagne, la deuxième campagne de David qui va être lancée au Comic-Con, c'est la suite de la première campagne. Donc, les événements se passent 6 mois après le mystère des Bledèves, à peu près 6 mois. Donc, il y a eu des impacts politiques, des impacts économiques sur certaines nations. Bon, aussi à l'académie, qu'il y a eu des répercussions parce que, bon, il y avait un étudiant qui était quand même haut placé, qui a eu la mainmise sur les événements, parce que je veux quand même pas dire ce qui se passe dans le premier. Non, c'est ça, je veux pas spoiler la première campagne. Quand même, je veux pas donner de spoiler. Mais les répercussions ont fait que les joueurs vont se retrouver maintenant, non pas, ben ils vont passer par la Nouvelle-Prusse, par où ils ont passé, pour s'en aller en Fingossie, la nation voisine. Puis bon, il y a beaucoup d'éléments qui étaient dans la première campagne qui reviennent et qui vont avoir un impact sur la deuxième campagne. Spoiler alert! Dans la première campagne, il y a un joueur qui, à un moment donné, est affecté par une certaine situation. À la fin de la campagne, tout semble être réglé. Tout semble. Non. Non, c'est ça. Mais le mot important, c'est « tout semble ». En effet. Les problèmes reviennent et sont encore pires lors de la deuxième. Donc, la suite de la campagne va être lancée en même temps au Comic-Con. Fait que dans le fond, c'est deux lancements en simultané. Ouais. Donc, dans le fond, si je suis un fan de Courant Fractal, un fan fini, là, puis quand vous sortez du nouveau stock, là, c'est le party dans ma tête, là. T'sais, je capote ma vie, là. Oh, ouais. J'ai un orgasme, là, au Comic-Con de Montréal. T'sais, je veux être là-bas, oui, puis avoir les deux livres. Oui. Et question comme ça, là, Jocelyn, là, peut-être qu'il est trop tôt pour le savoir, là, mais devant un cas, je me pointe au Comic-Con de Montréal, puis je veux les deux livres. Oui. Est-ce qu'on a déjà des idées de prix? On a quelques idées de prix. Les prix sont pas encore officiels. Je vous dirais d'amener quelques billets verts. Quelques billets verts. Donc pas un, quelques. Ouais. Le bestiaire, bon, on s'entend, le bestiaire... étant donné son utilité, c'est un livre un peu comme manuel de base. Ouais, c'est ça, j'ai pas pensé. Qui s'ouvre, qui se ferme. J'ai pas pensé à le demander. Oui. Le bestiaire, est-ce qu'il va être en couverture rigide? Oui. C'est comme le livre régulier. Exactement. Donc, on va le faire en couverture rigide. Donc, c'est certain que à ce moment-là, bon, un peu plus lourd, mais par exemple, beaucoup plus résistant. Quand tu as une couverture. Ben, floppy, là. C'est sûr que un soft cover pour un bestiaire, c'est comme pour un livre de base, c'est un peu plus à risque. Avec un hardcover, vous allez pouvoir battre les monstres qu'il y a dedans avec le hardcover, puis il va rester beau. Ah, mais c'est ça qu'il faut. Et voilà. Donc oui, le best-seller va être le hardcover. Good, ben. D'où le pourquoi il ne coûtera pas 15$. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça prend quelques billets verts. Ouais. Mais c'est correct, c'est de la qualité. Oui, oui. Non, non, ben ça va être un très, très beau livre. Ouais, écoute, je vais au moins te le présenter en format BDF pour que les gens puissent faire comme « Ah, mais non, c'est de quoi qu'ils voient? » C'est de l'exclusivité, mesdames et messieurs. C'est la couverture. Fait que table des matières, quelqu'un commence à lire toutes les specs en nombre. Ah ben ça le bestiaire, ça me dérange pas trop que tu lises la table des matières. Ça aurait été. Ah ben j'aime bien les bandes sur le côté avant-propos puis tout ça. Ouais. Là, ça change un peu de l'esthétique de l'autre livre. Ben on garde quand même une esthétique très similaire, mais on arrive à un niveau un petit peu plus haut. Ben, je dirais peut-être qu'il fit plus avec le style bestiaire. Ouais, non, mais l'esthétique est quand même très belle. Merci. Effectivement, quand tu dis beaucoup d'informations, je vois pourquoi. Ah oui, ben, il y a des quelques définitions. Je peux-tu spoiler une créature? Ben oui, vas-y. Il y a une belette. C'est une petite créature. Des fois, un druide peut avoir un compagnon. Non, non, mais c'est juste parce que c'est cool, une belette. Ben oui. Écoute, c'est tellement rare, les jeux de rôle, tu sais, quand ils tombent dans les familiers, justement, où ils vont aussi précis, tu sais, dans les différentes variétés. Tandis que là, écoute, tu peux avoir les stats d'un bison, ouais, ben, on en a un peu de tout. Non, mais c'est ça. Moi, écoute, c'est clair, si j'ai un familier, je veux une belette. Ouais, mais tu sais, on n'a pas tous les animaux, on s'entend, on n'a pas l'éléphant, on n'a pas le tigre. Non, non, mais c'est quand même cool parce que vous avez choisi des animaux qui sont quand même populaires, tu sais, comme. Ouais, mais les animaux, peut-être les plus communs. Ouais, la question, y a-tu un furet? C'est ça, faut que j'aille chercher. Y a pas de furet. Ah! Dans le bestiaire 2! On pourrait travailler là-dessus, oui, pour ajouter un furet. Ainsi que les autres animaux qui pourraient manquer. Raton laveur. un raton laveur. Ah, comment? Ben, écoute, tu pourras lire l'avant-propos. On te donne une bonne base de comment créer ton personnage, les mathématiques qui viennent avec. On explique aussi les nouveaux les arbres d'habileté pour animaux, parce qu'on a créé un nouveau système d'habileté pour ça. Donc, à ce moment-là, tu peux rejouer, recréer un animal avec les nouvelles habiletés, les nouveaux calculs mathématiques, tout ça. Donc, toute la base est là pour créer un animal ou un personnage type. Ou un raton laveur. Un raton laveur aussi, c'est possible. Non, mais avoue, par exemple, moi, je pense qu'un voleur qui a un familier, t'as un personnage de type roublard un peu, là, qui a un familier, puis que c'est un raton laveur, moi, je dis c'est winner. Non, mais c'est parce que ça devient, comment je pourrais dire, trop évident. Tu sais, le raton laveur, il a déjà son masque, ses yeux. Justement, il est encore plus incognito. Ouais, il doit avoir un niveau 3, niveau 4 de furtivité, lui. Je vais y penser. On va essayer de l'ajouter pour la prochaine. Un raton. En fait, il y a des mains, il y a de l'habileté. Oh, ouais, puis il peut s'accrocher. Il est capable de voler des clés, lui. Ah oui. Non, mais sérieusement, avoir déjà pris un raton laveur dans mes mains, là, c'est surprenant à quel point c'est... Docile? Non, ben moi, en fait, c'était dans un centre d'interprétation animalier, c'était des bébés ratons. Ah, OK. Mais c'est curieux, comme pas de bon sens. Puis c'est vraiment drôle de voir leurs pattes. Tu sais, comme ma mère, elle avait un collier avec des billes en bois. OK. Puis les ratons avaient aucune misère à les pogner avec leurs mains puis essayer de partir avec. C'était très drôle. On nous a menti. L'homme ne vient pas du singe, il vient du raton laveur. Ta ta ta! Révélation de ouf, gadin. Mais sinon, Jocelyn, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur le courant fractal? C'est certain que, bon, on a les trois grandes conventions qui s'en viennent, qu'on va être là. Deux lancements, et effectivement aussi, il va probablement avoir d'autres dates, d'autres séance publique qui va avoir lieu. C'est certain, s'il y en a qui veulent nous inviter ou qui veulent faire une séance publique à un endroit ou à un point de vente plus près de chez eux, tout simplement à me contacter. On va vous trouver un maître de jeu, on va se trouver une date, puis on va y aller. Sinon, bon, j'ai des vidéos sur Internet, sur la chaîne, sur ma chaîne JDR Fractal, qui depuis un petit bout de temps, il en manque, là, mais j'ai des tables qui vont revenir plus régulièrement, puis devrait avoir des vidéos plus régulièrement de nos séances qui vont arriver. Je devrais commencer à jouer, là. Ah, ben, en tout cas, la dernière séance, les joueurs sont partis te chercher dans le désert. OK, fait que ils devraient me trouver. Ils devraient te trouver. Mais là, présentement, ils t'ont pas encore trouvé parce que t'étais pas là. Ouais, mais c'était ma job. Je m'excuse. Des défaites. Non, c'est... Il faut gagner notre vie, c'est... malheureusement. Ben oui, il faut. Je sais, je connais ça. Mais oui, éventuellement, oui. Il va y avoir d'autres vidéos là-dessus. Les séances publiques, comme je vous dis, moi, je vais continuer à en faire. Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des gens intéressés et puis qui vont venir. Donc, à ce moment-là, peut-être que j'arrêterai jamais, finalement. Jamais! Jamais! Cours en fractal pour la vie! Ouais! Abat les autres jeux de rôle! Non, c'est une joke. Ouais? Non, mais mettez cours en fractal en premier. Puis... Non. Okay. Courant fractal et seulement courant fractal. À quand courant fractal à la cible paranoïa, non? Non, mais tu peux faire un paranoïa dans le monde de courant fractal. Il n'y a pas d'ordinateur dans le monde de courant fractal, du moins je pense pas. On va aller dans une des citadelles volantes. On va aller à Anon. Ok. Je suis pas mal certain qu'on peut trouver de la technologie qui va ressembler à ça. À suivre, mesdames et messieurs! Dun, dun, dun. Mais sinon, Jocelyn, que dirais-tu qu'on aille en pause musicale? Seulement si la musique est aussi bonne que les deux dernières. Ben écoute, ça va être Gangsta Paradise. Tu connais la tune Gangsta Paradise? Ben oui. Coolio, come on. Mais version Al Capone. Ouais. 1920. Ouh! Fait qu'on va y aller écouter ça. On va revenir ensuite. Parler d'un événement que je suis allé plus tôt dans le mois de mai. Oui. Non. Le Festival Rétro de Montréal. Vous parlez de cet événement-là. Je vais vous confirmer les dates tantôt, parce que je ne m'en rappelle plus par cœur. Fait que... Oui, c'est beau de même. Mais bon, on va parler de ça. Et on revient avec vous pour la conclusion de l'émission, par la suite, de Puissance Nano. Je sais qu'on a bien du fun, mais à un moment donné, il y a une fin à ça. Hein? Comment ça? Ben, c'est des choses guéries. Il y a des fins à ça, ça a de l'air. Mais bon, tout ça pour dire qu'on s'en va en musique. Fait que, on va écouter ça. Prépare-toi, t'es pas prêt, je sens écouter ça. Et. Es-tu sûr? Je pense que tu me l'avais envoyé. Sur oui, je l'ai déjà envoyé. Mais bon, t'es déjà prêt, tu as déjà écouté. Mais tu le sais que c'est excellent. Ben oui. Donc, on écoute ça et on revient par la suite sur le www.puissancemaximale.com. The valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing for so, so long that even my mama thinks that my mind is gone. And I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying and talking. I really hate to trip, but I gotta look. As I croak, I see myself in that pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be. Like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the streets. So I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banger, and my homies is down, so don't arouse my anger. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die, what can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of their lives living in the gangster's paradise. Everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can and I guess they won't. I guess they run, that's how I know my life is out of luck. Eh ben, ça va être super bien parce qu'au Québec, j'ai vu qu'il y avait de la poutine! Donc, c'était ici l'indicatif de Pen of Chaos du Donjon de Nahuelbeck. C'était le nain de Donjon de Nahuelbeck qui disait que c'était bien le Québec parce qu'il y avait de la poutine. Ben, je suis totalement d'accord avec ça. Ben oui. Je suis pas l'inverse. Non. Mais je trouvais que ça faisait une belle transition après avoir parlé de courant fractal. Un nain qui dit que c'est bon la poutine. Ben, c'est un jeu de rôle. Je vois quand même le lien. Il y a le nain, la poutine, le jeu de rôle et le gars qui l'anime. Ouais. Bah, il y a le joueur aussi, là. Je laisse pas ma place non plus. Ah, non, mais sincèrement, y a-tu de quoi de mieux qu'une bonne grosse poutine? Écoute, en jouant à un jeu de rôle? J'ai même pas soupé encore. On est deux. On parle de poutine, là, puis je suis comme. Ce serait bon. Poutine. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est ça que j'avais mangé pour dîner. Souper en fait, lorsque je suis allé au festival Retro Gaming de Montréal. Ouh. Qui avait eu lieu le 13 mai 2017 au collège André Grasset. Grasset. Je suis pas dans le coin, hein, fait que je sais pas comment le prononcer. Là, c'est André Grasset. C'est proche du métro Crémazie, si je me souviens bien. Ça se peut, moi j'étais en auto. Proche de la métropolitaine. Parce qu'en en fait, juste pour vous dire l'histoire dans tout ça, j'étais supposé de faire une émission en direct. De l'événement. Malheureusement, ils ont eu un petit imprévu qui n'était pas de leur faute. En fait, c'est que la salle qu'ils étaient supposés d'avoir normalement au collège a été double bookée pour un événement pour la fête des mères. Fait que, tu sais, il y avait comme une réception pour un festival des mamans en même temps que ce festival-là dans le même bâtisse. Ben, fête des mères plus rétro, j'imagine qu'il y a quand même une certaine corrélation entre les deux. Mais non, ils se sont fait déplacer au sixième étage. En fait, c'est le plus haut étage du bâtisse. Et les toits du local étaient en angle. Fait que quand on parlait, ou la façon que les tables étaient placées, dans le cas où j'aurais voulu faire un podcast en fait en direct, j'aurais eu tout le rebondissement du son de la salle dans les micros. Donc, ça n'aurait pas très bien marché. Puis malheureusement, j'avais confirmé ma présence un petit peu trop tard pour que j'aille un spot dans la salle qui servait à faire les conférences. Et de toute façon, j'aurais pas fait une heure dans une salle de conférence à animer une émission dans le format que je fais. Ça aurait été, ma foi, très, très, très plate pour les gens qui auraient été dans la salle. Et j'aurais comme squatté une salle pendant une heure de temps pour faire un podcast pour parler de l'événement où je suis actuellement. Donc finalement, j'avais dit, ben, je vais vivre l'événement. Puis je vais faire une émission pour parler plus tard de la chose, chose que j'ai malheureusement un peu procrastiné, donc mea culpa. Ouais. Je l'avoue, je sais avouer mes fautes, donc je m'excuse aux gens du Festival Retro Gaming. J'ai tardé à sortir la critique complète en fait de l'événement de cette année, mais à ma défense, j'en ai parlé à la radio communautaire de Lévis lors de l'émission des deux snooze, l'émission spéciale Seul comme un grand, qui avait été animée par Marcus Fortier, qui est normalement le co-animateur de l'émission, qui ne fait pas la technique et qui était tout seul cette semaine-là pour faire l'animation et la technique. Donc il m'avait appelé et j'en ai profité pour parler de l'événement. J'avais pas un si grand segment de ça, mais j'en ai quand même parlé. Donc je mettrai le lien dans la description du podcast de l'émission que vous écoutez actuellement, si vous êtes curieux de savoir de quoi qu'on a parlé lors de cette diffusion-là qui a eu lieu une semaine, si je ne me trompe pas, après l'événement. Donc, tu sais, c'est quand même pas si pire. Ouais. Donc, comme je dis, mea culpa, mais j'ai quand même fait quelque chose. Fait que bon, la prochaine fois, si tu veux une salle de conférence pour faire un podcast, invite-moi puis invite le Duc puis on va te le remplir ton heure. Ben oui, c'est ça, ouais, c'est pas ouais. Un problème. Mais c'est ça, donc Festival Rétro qui avait eu lieu, comme je disais, plutôt le 13 mai, de 10h à 22h, événement qui n'a malheureusement pas été dans son format régulier à cause du problème que je vous ai mentionné, mais ça, on peut pas le reprocher à l'événement. T'sais, ça a été le lieu, anyway, ma job, c'est pas de reprocher des choses à l'événement, mais t'sais, si vous avez été, puis vous avez dit, voyons, il me semble que quelque chose, là, des décisions qui ont été prises, non, c'était pas des décisions, c'est des conséquences que l'événement a eues. Donc, mais malgré tout, eux, il y avait eu la notif, là, comme de quoi qu'il y avait le problème de location de local le 11 mai, donc ils ont eu 48 heures pour s'en virer de bord. Puis, je vous dirais que, ouais, écoute, c'est vraiment le pire cauchemar d'un organisateur, mais pour ça, je dirais double thumbs up pour les organisateurs du Festival Retro Gaming, parce qu'ils ont réussi à quand même faire un plan de salle qui avait très de l'allure pour tout ce qui était collectionneur ou commerce, en fait, là, qui venait là, pour présenter des choses, ou l'aménagement des stations de jeu. C'était numéro un pour le peu de temps qu'il y avait à s'en virer. Là. Il y avait les projecteurs, il y avait un bon système de son, une bonne ambiance. Malgré le fait qu'il y avait beaucoup de monde, c'était pas trop écho. T'es dans le principe que t'es pour quelqu'un qui fait pas un podcast, justement, avec des micros. Tu rentres pas là en disant « Voyons, c'est donc bien cacophonique, j'ai mal à la tête, c'est donc bien pas cool, nanana. » Non, il y avait pas de ça. Parce que, justement, c'était bien placé, puis il y avait pas trop d'affaires qui faisaient en sorte que t'avais du son à tue-tête tout le temps dans tes oreilles. Donc ça, c'était quand même très, très cool. Sinon, au niveau là, des choses, ben je vous dirais là, que c'était quand même très, très, très, très, très, très, très, très, très nice comme événement. Par simple principe que vous aviez. Le but de cet événement-là, c'était principalement de vous présenter des consoles qu'on voit pas partout. Donc, mettons exemple que vous. Pas un Neo Geo. Il y en avait plus qu'un. Il y avait plus qu'un Neo Geo. Il y avait un Jaguar. Il y avait un Jaguar. Oh mon Dieu. Et il y avait aussi une compétition de Windjammers sur le Neo Geo, qui est un jeu d'arcade de Ultimate Frisbee. Dans le fond, c'est que vous aviez comme un frisbee de chaque côté, vous aviez comme choisissiez un joueur qui était une nation différente, il y avait chacun leur point fort, leur point faible. Puis, il faut comme lancer le frisbee pour qu'il tombe soit à terre pour faire des points, que l'autre n'a pas été capable de le récupérer, ou qu'il aille dans une des multiples zones de points dans le fond du terrain. Donc, vous pouviez faire un point, je pense, ça tombait à terre, ou deux points. Puis, vous avez des zones de points qui étaient 3, puis 5. Le 5 étant, vous comprendrez, beaucoup plus petit, donc plus tricky à poigner. Puis, vous aviez un tournoi là, qui permettait de gagner, en fait, des jeux. Donc, il y avait des prix là, pour participer à la compétition. Donc, c'était quand même très, très intéressant. Puis, je vous dirais, je pensais quitter un petit peu plus tôt pour question de... changer d'air un peu, aller manger et tout, parce que j'étais là depuis quand même assez tôt le matin, dans les débuts de l'événement. Et je suis resté pour la compétition parce que c'était vraiment très très cool. Et d'ailleurs, il y a un des artistes qui fait des dessins vraiment nice, qui est Rom HQ, R-O-M-H-Q. Dessinateur d'être vraiment talent, qui était présent sur place. Ben, il est venu nous voir après, puis il a comme fait une histoire post-tournoi. Là, ça a de l'air que moi, je suis le noob Cellbot de ce tournoi-là. Tel dans Mortal Kombat, je vais sortir de nulle part dans le prochain tournoi. Et il y a une histoire de revanche et du fait que j'étais dans l'obscurité, même si j'ai jamais joué au jeu, pour péter tout le monde et remporter. Fait que, tu sais, j'ai vraiment la barre très haute sous mes épaules. Ça a de l'air que l'année prochaine, faut que je participe au tournoi, il faut que je gagne. Ça a de l'air. Fait que là, faut trouver un émulateur ou un Neo Geo pour que tu puisses t'apprécier. Ben, les autres, c'est vraiment sur le Neo Geo. Puis le feeling émulateur, ça sera pas pareil parce que j'aurai pas la manette puis les boutons du Neo Geo. Ouais. T'sais, le look va être là, mais pas le feel. Ben écoute, apparemment qu'il y a une salle rétro gaming au Geek Culture. On pourra voir s'ils ont ce jeu-là, tu pourras peut-être te pratiquer. Ouais, mais ça va être quelque chose. Mais bref, il y avait ça. Une chose que j'ai trouvée, avec ma foi, très, très, très cool, c'est qu'il y avait aussi également une Twin Famicom qui était présente. Ça, c'est une console japonaise, on n'a pas vraiment eu l'occasion de voir ça ici. Le Famicom, vous savez que c'est la version japonaise du Nintendo Entertainment System. Mais au Japon, il y a eu aussi une extension qu'on mettait sur le Famicom qui permettait de jouer avec des disquettes. Mais tu sais, c'était comme un module qu'on rajoutait à la NES. En fait, une des meilleures versions de Zelda, de Legend of Zelda, était la version disquette du Famicom. Parce que la musique était meilleure, puis il y avait comme plus d'éléments, en fait, là, au niveau du jeu. Ben, en fait, il y a eu une version qui était la Twin Famicom, qui était faite par Sharp à l'époque, au niveau du Japon. Mais vous aviez l'occasion de le voir et de pouvoir l'essayer lors de l'événement. Donc, quand même très cool. Vous aviez aussi la Pioneer Laser Active. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Oh mon Dieu, ça sonne vraiment old school. Mais en fait, je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu une technologie il y a quelques années lors de la transition du VHS vers le DVD. On appelait ça le Laser Disc, qui était une espèce de gros disque qui ressemble à un vinyle, c'est un CD. Ben, il y a eu des jeux là-dessus. Et le Pioneer Active Disc, Laser Active, ben, c'était un lecteur de Laser Disc. On pouvait rajouter des modules dessus qui permettaient de soit jouer à des jeux Sega, ou jouer à des jeux TurboGrafx, ou encore jouer des jeux Laser Disc. Ok, oui. Donc, il y avait console-là qu'on pouvait essayer. Ça devait être gigantesque. Oui, c'était assez gros, effectivement. Et en plus, la personne qui avait emmené la machine en tant que telle avait également la meilleure version de Star Wars, qui est la version Collector Laserdisc, parce que c'est la trilogie des films, mais la version ultime avec la meilleure qualité d'image et de son que tu peux avoir, mais sans la version digitale qu'on a eue de George Lucas. Là, t'es vraiment la vieille version, la meilleure version que tu peux avoir de cette version-là. OK, fait que c'est la version HD du VHS. Exact! Ooh. Donc, il y avait possibilité là, de voir ce coffret-là vraiment cool et extrêmement pesante. Écoute, t'as un voleur qui rentre chez toi, ton arme de prédilection, c'est ce coffret-là. T'es sûr de l'achever d'un coup. Ouais, mais non, je prendrais pas le risque. Non, mais il est assez épais que, man, il casse pas, là. La tête du gars va fendre avant le boîtier de ton coffret. Ouais, probablement. Ben, j'ai déjà eu des consoles de son Pioneer, tu sais, avec les vieux 45 tours et tout ça. Fait que oui, j'ai une bonne idée de la grosseur que ça peut être. Ça doit faire mal, ça. Oh, mon Dieu. Fait qu'il y avait possibilité de voir ce coffret-là. En plus, il vient avec un livre. Mais vraiment un artbook où t'as toute l'histoire des marionnettes et tout. Fait que t'sais, c'est facilement de la grosseur d'une collection d'encyclopédie, là. Ok. J'avoue que ça doit faire mal. Oui, c'est ça. Ah. En plus, il y avait aussi les Power Chasers qui étaient présents lors du festival. Mm-hmm. Le Power Chasers, qui est une chaîne YouTube avec des collectionneurs de jeux vidéo qui font des recherches de marché aux puces, souvent beaucoup trop sous. Mais t'sais, c'est décrinqué là, de la collection là. Donc t'sais, il était là pour faire justement de la chasse. Nous autres, on était là. Ils ont-ils réussi à trouver un Final Fantasy en bas de 30$? Je sais pas, j'ai pas checké leur compte rendu de... Mais il y avait aussi Guillaume Couture de Je joue le jeu qui était présent. Bien sûr. Il y avait nos amis des accros des jeux qui étaient présents. Il y avait Guise et Laurent du jeu C'est sérieux qui étaient présents. Il y avait Cédric Duquette de Retour vers le rétro qui était également là. Testeur Alpha, des habitués. Il y avait également là, beaucoup de rétro-modding. Donc, tel Venanka, exemple, que vous aimiez le Game Boy Advance, mettez sa première itération. Là. T'es pas la SP, pas la Game Boy Advance Mini. Mettez vraiment la Game Boy Advance, là, celle-là qui est sortie mauve. Qu'on tripait toute notre vie quand elle est sortie, mais qui avait pas de foutu rétro-éclairage dans l'écran, comme la vieille Game Boy. Ben, il y avait quelqu'un là-bas qui vendait des Game Boy Advance avec du rétro-éclairage dessus. Donc ça, c'était quand même très cool, donc des consoles modifiées. C'était la gang de rétro-modding qui faisait ça. Il y avait beaucoup de vendeurs de des nostalgieux. Bref, il y avait ben du monde, comme le développeur Homebrew Collector Vision, un développeur qui refait des jeux, mais qui sort en périphérique réel. Donc, mettons exemple que tu vas avoir un jeu de ColecoVision, ils en font, c'est un récent. Il va marcher dans ta ColecoVision. Là. Comme là, ils sont en train de travailler sur un jeu de Super Nintendo qui s'appelle Sydney Hunter and the Caverns of Death. Ben, quand il va sortir, ça va être réellement une cassette de Super Nintendo. Tu vas pouvoir le mettre dans ton Super Nintendo et il va marcher. Voici ce que je veux pour ma fête l'année prochaine. Mettez avec des graphiques beaucoup plus beaux parce qu'évidemment, la mémoire de la cassette... Bon, oui, ben oui, mais c'est parce qu'il y a des... C'est les limites de la console, à un moment donné. Ben, c'est ça, là. Fait que t'es un événement vraiment cool, une ambiance vraiment écœurante par simple principe que t'es, c'est toute une gang de passionnés, de collectionneurs. T'es, t'allais là, t'es... Faut pas que tu t'attendes... Mettons exemple que tu fais vraiment une chasse de jeux de rétro, en fait... T'sais, c'est sûr que quelqu'un qui va vendre des jeux là-bas, il va s'arranger pour faire un peu de profit avec. Là, t'sais, c'est sûr et certain. Ouais. Mais t'sais, si tu veux aller à un événement puis acheter du jeu rétro, puis te faire dire « Ok, je serais peut-être pas la meilleure aubaine du monde, mais je me ferais pas crosser. » T'sais, en achetant un jeu beaucoup trop cher pour la valeur qu'il vaut, ben c'était l'événement. Puis, ouais. T'sais, c'est un événement qui est annuel, toujours à peu près dans les mêmes dates. Donc, tu sais, il y a eu lieu cette année, il va avoir lieu l'année prochaine. Puis, en même temps, il y a beaucoup des gens là-bas que c'est des collectionneurs. Donc, tu sais, mettons un exemple que vous avez des jeux que vous jouez plus, ou juste que vous êtes pas un fervent collectionneur du rétro, puis tu sais, vous aimez ça des fois faire des échanges pour faire une rotation dans votre collection. Ben, emmenez vos jeux, offrez des échanges aux commerçants, c'est du monde qui sont ouverts à ça, justement. Donc, tu sais, c'est un très très bel événement. Et je vous dirais que j'ai quand même très apprécié là, d'être allé là, et profiter de tout ça. La seule chose, c'est que là, j'ai un blanc au niveau du prix du billet que je vais vous dire là dans quelques instants, le temps que je retrouve la chose. Je ne retrouve pas parce que l'événement est passé, mais c'était pas terriblement dispendieux. C'est, disons entre 0 et 15$. Ouais, ben, c'était à peu près ça. C'était pas dispendieux du tout là, comme événement. Là, je suis en train juste de valider si je verrais ça rapidement. Il y avait une affiche, doit être écrit sur l'affiche, je présume. $15. Pile poil dessus. En fait, c'était $15 à l'entrée, $10 acheté sur Internet. Et voilà, entre 0 et $15. Ben oui. Voilà. Zéro étant, je suis pas allé. Ouais. Où je suis arrivé là-bas, j'ai fait comme... Non, c'est trop haut. Moi, je me rends pas au 6e étage. Mais il y avait un ascenseur. C'est vrai, c'est grassé. Mais oui. C'est sûr qu'ils ont un ascenseur. Ben, c'est ça. Ouais, c'est un cégep privé. Fait que bref, Festival Retro Gaming de Montréal, organisé par la gang de RetroGamer.ca. Belle réussite, malgré les pépins techniques qu'ils ont eu de dernière minute. Comme je dis, que malgré ça, ils ben, c'est pour ça, comme j'ai dit, sortis, j'ai dit au début, deux thumbs up. Oh, ouais. C'est le cauchemar de toute organisation de se faire dire 48 heures avant son événement. On s'excuse, on a double booké le local que vous aviez normalement. Puis ça n'a pas les mêmes caractéristiques techniques. Ouais. Non, non, non, envoie les maires en haut, nous autres, on reste en bas. Pas sûr. Hein? Donc la morale, ouais. RetroGamer.ca, appelez Jocelyn. Il va vous dealer ça, lui. Ouais. Hey, on est maire, c'est pas important ça. Ouais, alors, voyons. Envoyez ça là-bas, là. Ouais, il y a un terrain de football là, dehors, là, ça va leur faire du bien. Ouais, c'est ça, exact. Mais bref, thumbs up. Je leur souhaite un autre événement rempli de succès l'année prochaine, dans votre local habituel, pour que je puisse faire mon émission en direct là-bas. Parce que comme ça, je pourrais pas procrastiner pendant quasiment un mois pour faire mon compte-rendu sur l'émission. Ça va être fait live, en plus. Fait que, sur ce, moi, je te dirais que ça fait pas mal le tour sur l'événement. Je leur souhaite bonne chance sur le tout, bonne continuité. Qui sait? Plus de marchands encore l'année prochaine. Plus d'échanges, plus de ratés, plus de joie dans nos vies. Ben, le jeu vidéo, c'est fait pour ça. Ben oui. Tous les jeux, c'est fait pour mettre des joies, de la joie dans nos vies. Des joies dans nos vies. Des joies dans nos vies. Ben oui, parce que tu sais, tu as une joie à chaque fois que tu joues. Fait que, Jocelyn, que dirais-tu qu'on s'enligne pour la fin de notre émission? Aller sur le mot de la fin. Je suis d'accord. Jocelyn, courant fractal, Winrose, on te trouve où sur les internets pour le rappeler une dernière fois avant la fin de l'émission? Notre page Facebook, facebook.com/lesproductionswinrose ou effectivement notre site internet www.courantfractal.com. Donc vous allez pouvoir trouver, commander nos livres physiques, trouver nos points de vente, ou il y a des liens aussi vers nos livres en format PDF pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup. Au plaisir de se reparler sur les ondes du www.puissancemaximale.com. Moi, mon nom, c'est Andrew Cassegan, votre animateur pour cette édition du 29 mai. Donc, je vous rappelle, le nouveau site de Puissance Maximale sera en ligne le 5 juin. Donc, ça va être un rendez-vous. Vous allez triper. Je vous avertis, le site va être malade. Je pense même que Jocelyn ne l'a même pas vu encore. Fait que je vais pouvoir tu ne l'as pas montré. Je vais pouvoir lui spoiler tantôt, puis il va vous le confirmer. Il va faire une publication sur sa page personnelle Facebook pour dire le nouveau site de Puissance Maximale, il torche des culs. Mais bon, tout ça pour dire... Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Mais tout ça pour dire que Puissance Maximale, c'est une production, c'est un collectif médiatique comportant plusieurs producteurs de la grande région de Québec, parce qu'on n'a pas juste la ville de Québec, on n'a pas juste Montréal, il y en a partout. Et on a des podcasteurs, on a des Twitchers, on a des YouTubers. Donnez-leur de l'amour, allez sur la page Facebook Les Productions Puissance Maximale, c'est le meilleur endroit pour être tenu informé des différents moments de diffusion de ces différentes personnes-là. Bien sûr, quand le nouveau site internet va être lancé, ça va être encore plus facile de suivre tout ça. Donc, c'est un rendez-vous. Sinon, pour le Puissance Nano, on se souhaite à la prochaine, sûrement pour une édition spéciale lors du Geek Culture Lanaudière qui sera fait probablement en direct. Jocelyn va sûrement s'inviter comme d'habitude. Ça va être un plaisir qu'on va te recevoir, Jocelyn. Ah oui, on va aller chercher Luduc, on va aller chercher les 3-4 autres, là, puis on va tout faire un gros power pour ça. Là. Exact. Mais en plus, j'ai entendu dire que peut-être qu'il y aurait un after party le samedi soir. Aller manger. Je sais pas. Fait, moi, je te dis, l'endroit où on va dototer, on fait un late night show avec ben de la boisson, ça va être génial. Ah ouais, hey, on essaie de pogner Talbot puis Anne Robillard en même temps. Là. Ça va être de toute ça beauté. Fait que tout ça pour ça dire. Ça va être malade. Ah! On se souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Donc, le www.puissancemaximale.com. Restez à l'affût pour les autres productions. Et je vous tire ma révérence. Ici Andrew. Bonne semaine. Better get back up here. This is a song about a guy you might remember from high school. Or you might be this guy from high school. I don't know. My little harmonica. I got my 12-sided die, and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew.